طيب إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، on commence aujourd'hui le cours 41 dans la lecture du livre Al-Fatwa Al-Hamawiyya Al-Kubra de Cheikh Al-Islam Ibn Taymiyyah Rahimahullah, et avec les commentaires de plusieurs d'entre les ulama, Ahl-Sunnah, Cheikh Al-Fawzan, Cheikh Ibn Baz, Cheikh Salih Al-Sheikh et d'autres également, comme Cheikh Mohamed Aman et d'autres mashaykh qui ont fait des explications de ce livre. Donc on profite des commentaires de chacun d'entre eux. On est arrivé à la parole de l'imam Abu Ubaid al-Qasim ibn Sallam. Abu Ubaid al-Qasim ibn Sallam, qui est un des imams parmi les imams Ahl-Sunnah, parmi les salaf, un des shuyukh de l'imam Al-Bukhari. Le titre de ce point qu'on lit maintenant, c'est Tafsir al-Jahmiyya al-Sifat ala khilaf ma kana alayhi al-Sahaba wa al-Tabi'una min al-Ithbat. C'est-à-dire l'interprétation que les Jahmiyya font des attributs d'Allah contredit ce sur quoi étaient les Sahaba et les Tabi'un, c'est-à-dire les élèves des Sahaba, par rapport à l'affirmation des noms et des attributs d'Allah. Donc, il commence, le Cheikh Ibn Taymiyyah, par citer, يعني, il dit « وروى البيهقي وغيره بأسانيد أو بأسانيد صحيحة » Parce que « أسانيد » c'est « ممنوع من الصرف » « فروى البيهقي وغيره بأسانيد صحيحة عن أبي عبيد القاسم بن سلام قال هذه الأحاديث التي يقول فيها ضحك ربنا من قنوط عباده وقرب غيره وأن جهنم لا تمتلئ حتى يضع ربك قدمه فيها والكرسي موضع القدمين وهذه الأحاديث في الرواية التي عندنا حق حملها الثقات بعضهم عن بعض غير أن إذا سئلنا عن تفسيرها لا تفسرها وما أدركنا أحدا يفسرها. نعم. Donc le cheikh, il explique, premièrement, il dit qu'il a été rapporté par l'imam al-Bayhaqi, ainsi que d'autres que lui, avec des chaînes de transmission qui sont authentiques, selon Abu Ubaid ibn Sallam, Abu Ubaid al-Qasim ibn Sallam. Abu Ubaid al-Qasim ibn Sallam, juste pour vous donner une petite idée de sa biographie, son nom c'est Abu Ubaid al-Qasim ibn Sallam ibn Abdullah min Ahli Khurasan. Donc ça fait partie des habitants de la ville de Khurasan. Hein, c'est en Perse, hein, dans la région de l'Iran, dans ce coin-là. Et kana mu'addaban sahibu nahwin wa arabiyyah. Donc c'était quelqu'un qui était, hein, et qui avait une bonne connaissance de la grammaire et de la langue arabe. Il dit, روى عنه الحاكم أنه قال المتبع السنة كالقابض على الجمر وهو اليوم عندي أفضل من ضرب السيف في سبيل الله. انتهى كلامه. Donc الحاكم il a rapporté de lui qu'il a dit celui qui suit la sunna il est comme celui qui a fermé sa main sur un morceau de charbon brûlant, hein, de charbon en qui brûle, yani. Et il dit, et pour moi il est meilleur aujourd'hui, c'est-à-dire celui qui s'accroche à la sunna, il est meilleur pour moi aujourd'hui que de frapper avec l'épée dans le sentier d'Allah. Donc c'est pour lui, il dit, c'est, ça a plus de valeur et c'est meilleur de s'accrocher à la sunna à notre époque que, yani, de faire le jihad. Wa qala Abu Bakr al-Anbari kana Abu Ubaid rahimahullah yuqassimu al-layl athlathan يقسم الليل أثلاثا يصلي ثلثها وينام ثلثه يصلي ثلثه وينام ثلثه وينصف الكتب أو يصنف نعم يصنف الكتب ثلثه. Donc Abu Bakr al-Anbari il dit que Abu Ubaid rahimahullah il divisait sa nuit en trois. Un tiers de la nuit il faisait la salat, l'autre tiers il dormait et l'autre tiers il écrivait des livres, hein, il écrivait des livres. Il dit ولد سنة سبع وخمسين ومئة. Il est né en quelle année? Il est né en l'an 157 de la Hijra et il est mort en l'an 24 ومئتين. Il est mort en l'an 224 de la Hijra. Donc c'est des, parmi les ulama qui ont vécu parmi dans les premiers siècles, hein, donc c'est un des imams parmi les imams des salafs et il a plusieurs livres, plusieurs ouvrages. Al-Bayhaqi, on avait déjà donné sa biographie dans les cours précédents, lui aussi c'est un parmi les ulama et lui aussi il a de nombreux livres, c'était un savant de hadith aussi. Puis donc c'est ça, mais il y a sa biographie, mais là bon, je l'ai déjà fait, donc on va juste continuer l'explication. L'imam donc Al-Bayhaqi, il dit, comme on a dit qu'il a été rapporté par Al-Bayhaqi et d'autres, par une chaîne de transmission authentique, que Abu Ubaid Al-Qasim ibn Sallam a dit, ces hadiths dans lesquels il est dit, comme par, il a cité trois hadiths. 1, 2, 3, et il les mentionne. Donc il dit les hadiths dans lesquels il y a les paroles suivantes. Le premier hadith qu'il a cité, c'est le hadith qui dit « Dahika Rabbuna min qunut ibadihi wa qurbi ghayrihi » Ok, donc ça c'est le premier hadith qu'il a cité. C'est-à-dire que notre Seigneur, hein, notre Seigneur, c'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala, il rit lorsque son serviteur fait des longues invocations pour lui demander son aide et son support et sa délivrance, comme si quand le serviteur est dans un moment de détresse et il est au bord du désespoir et il sent que bientôt ce sera comme il pourra plus continuer, donc il invoque Allah et il l'invoque avec beaucoup de concentration et il lui demande de le délivrer, de l'aider, et Allah subhanahu wa ta'ala il sait que la délivrance de cet homme là elle est proche, hein, donc il rit de ce serviteur là. Ok, c'est comme on a lu au dernier cours aussi un hadith pareil dans le même sens que celui-là. Ok, donc c'est pour dire que Allah subhanahu wa ta'ala il a l'attribut du rire, hein? Yadhak. Et non, on a lu ça dans les cours précédents il n'y a pas longtemps. Aussi il cite un autre hadith que Allah subhanahu wa ta'ala il va remplir l'enfer jusqu'à ce qu'il mette son pied dessus. Jusqu'à ce qu'il mette son pied dessus. Hein, ça, c'est comme l'explication du verset dans Surat Qaf. Lorsque l'enfer demande, est-ce qu'il y en a encore? Hein? يوم تقول لجهنم هل امتلأت est-ce que يعني on va dire à l'enfer est-ce que tu es rempli وتقول هل من مزيد est-ce qu'il y en a d'autres et donc à ce moment-là Allah subhanahu wa ta'ala met son pied sur l'enfer et l'enfer dit قطن hein قط ça dit ça suffit et na'am et là elle se rétrécit sur elle-même hein? L'enfer se rétrécit sur elle-même à ce moment-là. Donc, le paradis, ça fait partie de la miséricorde d'Allah, subhanahu wa ta'ala, parce que le paradis, pour le remplir, Allah va même créer des nouvelles créatures pour le remplir. Tandis que l'enfer, il ne va pas créer de nouvelles créatures pour la remplir. Au lieu de ça, il met son pied dessus et après ça, elle se rétrécit sur elle-même. Et donc ça fait partie de sa miséricorde. Après il dit wal kursiyu mawdi'ul qadamayn et le trône c'est le repose-pied ou l'endroit où on pose les pieds. Donc al kursi c'est pas l'arche. L'arche c'est le trône et le kursi c'est l'endroit où on pose les pieds en bas du trône. Donc ça, c'est pour dire que Allah subhanahu wa ta'ala, il a ces attributs-là. Il a, comme il dit, il a des pieds, il a yani un coursi, il a un arche. Hein, le arche, c'est le trône, c'est ça, une de ses créatures. Et le coursi, c'est plus petit que le arche. Hein, et c'est l'endroit où on pose les pieds. Et il ne faut pas s'imaginer, comme certains peuvent essayer de s'imaginer, ils essaient d'imaginer Allah, ils essaient d'imaginer comment il rit, ils essaient d'imaginer comment est sa main, comment est son pied, comment est ses yeux, hein, ou des choses comme ça. On n'a pas le droit d'imaginer ça ou d'essayer même de l'imaginer, parce qu'il n'y a rien qui ressemble à Allah. Laysa kamithlihi shay'un. Il n'y a rien qui ressemble à Allah. Laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir. Et il est l'audient et le voyant. Donc le pied d'Allah, il est tel qu'il lui convient. Il est tel que le pied d'Allah est tel que cela lui convient par rapport à sa grandeur et à sa majesté et à sa perfection. Il n'est pas comme le pied des créatures. D'accord? Et il rit d'une manière qui lui convient. Et c'est une manière qui est yani parfaite, hein, et qui correspond à sa perfection. Et qui n'est pas comparable au rire des créatures. Donc ça c'est des hadiths que l'imam Abu Ubaid Al-Qasim ibn Sallam a dit que ces hadiths-là pour nous sont vrais. Hein? De même que les hadiths au sujet de Ar-Ru'ya, c'est-à-dire les hadiths au sujet du fait qu'on va voir Allah subhanahu wa ta'ala au jour de la résurrection et dans le paradis. Il dit, pour nous, ces hadiths-là sont vrais. Et ces hadiths-là ont été rapportés des personnes fiables par d'autres personnes fiables. C'est-à-dire, de personnes fiables les ont transmises à d'autres personnes fiables jusqu'à nous. Hein? Il dit, حملها الثقات بعضهم عن بعض. Hein? Les uns les autres se sont rapportés ces hadiths-là. Et c'était des gens qui sont des thiqat, c'est-à-dire des gens qui sont fiables, qui sont hein, solides dans la transmission des hadiths. غير أن إذا سئلنا عن تفسيرها لا نفسرها وما أدركنا أحدا يفسرها. Il dit, sauf que lorsqu'on nous demande leur interprétation, on ne les interprète pas. Et on n'a jamais rencontré quiconque qui les interprétait. Ok? On ne les interprète pas. Qu'est-ce que ça veut dire, on ne les interprète pas? Ça veut dire, comme les ulama ont expliqué, la nufassiruha tafsir al-jahmiya. Wa la nufassir al-kayfiya. La nufassiruha tafsir al-jahmiya. Ou la nufassir al-kayfiya. C'est-à-dire qu'on ne va pas les interpréter à la manière des Jahmiyyah. Mais sinon, la signification de ces attributs-là, elle est connue. Parce que tout le monde sait qu'est-ce que le rire signifie. Et tout le monde sait qu'est-ce qu'un pied signifie. Et tout le monde sait qu'est-ce que... tout le monde sait qu'est-ce que la main signifie ou les yeux signifient. Donc on n'a pas besoin de l'interpréter. Mais les Jahmiyyah, eux, ils l'interprètent en déformant le sens. Comme si par exemple, ils vont dire, la main, c'est pas une main. La main, ça veut dire la force. Ou la main, ça veut dire la grâce d'Allah. Ou bien ils vont dire, le pied, c'est pas le pied. Le pied, c'est la force d'Allah, ou des choses comme ça. Ou bien ils vont dire, le rire, ça veut pas dire le rire. Ça veut dire que Allah, il veut, disons, faire miséricorde. Ou des choses comme ça. Ils vont déformer l'interprétation ou le sens réel de ces attributs-là. Pourquoi ils font ça? Parce que, en eux-mêmes, ils font le tashbih. C'est-à-dire, ils vont essayer d'imaginer Allah et ils vont, parfois, dans leur esprit, faire ressembler Allah à sa création. Puisque dans leur esprit, ils font ressembler Allah à sa création, eh bien, ils se précipitent par la suite pour nier l'attribut. Pour dire, il ne faut pas dire ça. Et juste pas, il n'y a pas longtemps, justement, sur l'Internet, il y a quelqu'un parmi les... Je présume que c'était parmi les Ahbash, parce que ça, c'est une de leurs caractéristiques. Eux, ils nient les attributs d'Allah. Donc, ils disaient, Allah n'a pas d'yeux. On n'a pas le droit de dire qu'il a des yeux. Quand Allah, il dit... Il dit qu'Allah n'a pas de yeux, alors que Allah dans le Coran, il dit qu'il a des yeux. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à propos justement de ça, il a dit que le Dajjal, il est borgne. Et il dit, et notre Seigneur, il n'est pas borgne. En voulant dire, il n'est pas borgne comme le Dajjal, il n'a pas juste un seul œil, il a deux yeux. Parce que le Dajjal, il voit juste d'un seul œil. Donc, la preuve que les ulama ont mentionné pour dire que Allah subhanahu wa ta'ala, il a deux yeux. Tajri bi'ayunina wa litusna'a 'ala 'ayni. Tout ça, c'est des versets dans lesquels Allah subhanahu wa ta'ala affirme qu'il a la vue, al-basar. Yubsir, inna Allah basir. Lahu al-basar. Une des attributs d'Allah, c'est al-basar. Et il est al-basir, celui qui voit tout. Et également yanzur, et même que il nie parfois qu'il dit à propos des gens qui des koufars par exemple que Allah va pas les regarder au jour de la résurrection. Ça fait partie de leur châtiment. Par exemple, il dit à propos de certaines personnes, salathatun la yukallimuhumullahu yawm al-qiyamah wa la yanzuru ilayhim wa la yuzakkihim. C'est-à-dire, Allah ne va pas leur parler au jour de la résurrection. Et il ne va pas les regarder. Et il ne va pas les purifier. Et ils auront un châtiment douloureux. Donc, Allah, il regarde ses serviteurs. Et il voit. Et il a des yeux. Donc, lui, ce Ahbash. Les Ahbash sont sur l'aqida des Jahmiya. Donc il nie les attributs d'Allah. Et lui, il dit Allah n'a pas d'yeux. Et il dit quand Allah dit qu'il a des yeux, ça ne veut pas dire des yeux. Ça veut dire autre chose. Donc ça, c'est de la négation, ça. Et tu n'as pas le droit de dire que Allah n'a pas, alors que lui, il dit qu'il a. Yani, pour qui tu te prends? Est-ce que tu penses que tu connais mieux Allah que Allah se connaît lui-même? Et Allah, lui, il ne savait pas comment se décrire, alors il a utilisé les mauvais mots, les mauvais termes, et c'est toi qui veux le corriger. C'est-à-dire, tu veux montrer à Allah quel terme utiliser pour se décrire lui-même, alors que Allah, il est celui qui clarifie et qui explique le mieux et plus parfaitement. C'est pour ça qu'on dit Inna khayrul kalam, kalamullah. La meilleure parole, c'est la parole d'Allah. وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا. Qui est meilleur que Allah en parole? C'est Allah qui parle le mieux, c'est Allah qui explique le mieux. Donc comment toi tu viens puis tu dis non, Allah il a dit ça mais ça ne veut pas dire ça ou ça ne voulait pas dire ça. Montre-moi un verset dans le Coran ou quand Allah mentionne un de ses attributs ou de ses actions, puis il dit, mais ça, ça ne veut pas dire ça. Ou croyez pas en qu'est-ce que je dis tel quel, ça ne veut pas dire ça. Ou un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, où lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam mentionne un attribut d'Allah, il dit après, je dis ça, mais il ne faut pas croire ça. C'est parce que ça ne veut pas dire ça, ça veut dire autre chose. Donc ça veut dire que pendant toute la période de sa da'wah, pendant 23 ans, il a dit, hein, par exemple, « Wallazi nafsi biyadih » par celui qui tient mon âme en sa main. Donc il mentionne que Allah a une main. À chaque fois, il jure par ça. Et il n'a jamais dit après, mais dites pas que, pensez pas que Allah a une main. Hein? Je dis juste ça comme ça. Il n'a jamais dit ça aux sahabas. Si c'était ça la voix des salafs, si c'était ça la voix des messagers, de ne pas affirmer les attributs d'Allah tels quels, au moins il leur a expliqué une fois. Hein? Il y aurait un hadith qui nous dirait, il ne faut pas croire ça de cette façon-là. Mais jamais on a remarqué ou on n'a jamais trouvé un hadith qui nous dit ça. Même que la même chose pour les salafs, les sahabas et les tabi'in, ils n'ont jamais dit, croyez pas aux attributs d'Allah tels qu'elles sont. Interprétez-les d'une autre façon. Donc c'est ça qu'il veut dire ici l'imam Abu Ubayd al-Qasim ibn Salam. Il dit, lorsqu'on nous demande à propos du tafsir, de l'interprétation, on ne les interprète pas. Dans le sens qu'on ne les interprète pas selon l'interprétation des Jahmiyyah. Et on parle pas du commun, c'est-à-dire la description du commun des attributs d'Allah. Ça, on ne rentre pas là-dedans. Parce qu'on ne connaît pas le commun. Après, Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, il donne une petite description de l'imam al-Qasim ibn Salam, Abu Ubaid. Il dit, Abu Ubaid, ahadul a'imma al-arba'a. الذين هم الشافعي وأحمد وإسحاق وأبو عبيد وله من المعرفة بالفقه واللغة والتأويل ما هو أشهر من أن يوصف وقد كان في الزمان الذي ظهرت فيه الفتن والأهواء وقد أخبر أنه ما أدرك أحدا من العلماء يفسرها أي تفسير الجهمية Tafsir al-Jahmiyyah. Donc il dit, Cheikh al-Islam, que Abu Ubaid, c'est un des quatre imams. Un des quatre imams. C'est pas les quatre imams des Madahib, il parle des quatre grands imams de cette époque-là. Donc à l'époque de Abu Ubaid al-Qasim ibn Salam, il y avait ces quatre grands imams. C'était qui ces quatre grands imams? Al-Shafi'i, Ahmad, Ishaq, et Ishaq c'est qui? C'est Ishaq ibn Rahouya, un autre parmi les salafs, et Abu Ubaid. Donc ce sont les quatre. Ishaq ibn Rahouya, je pense que j'avais donné déjà sa biographie, mais il n'y a pas de mal de la redire encore une fois. C'est-à-dire, l'imam al-Shafi'i, c'est un des quatre imams des Madahib, et l'imam Ahmad, c'est un des quatre imams des Madahib, mais il n'a pas cité Abu Hanifa et Malik. Pourquoi? Parce que ça, c'est eux, sont des générations avant. C'est ça. Ben, l'imam Shafi'i était l'élève de Malik. Mais lui, il parle d'après Malik. Ok? C'est parce que, en fait, pourquoi il y a des madhahib différents? C'est parce que c'était des élèves de différents. C'est-à-dire que chaque imam a son madhab. Chaque imam a son madhhab. Et son madhhab, c'est quoi? C'est ses positions dans le fiqh. Tu comprends? Donc, certains imams, ils ont des positions sur certaines questions différentes d'autres pour différentes raisons. Soit parce que certains, ils avaient connaissance d'une preuve que l'autre n'avait pas. Un des imams, par exemple, il connaissait un hadith. Et l'autre ne le connaissait pas. Donc lui, il jugeait selon ce hadith-là, et l'autre, il ne pouvait pas parce qu'il ne le connaissait pas. Tu vois? Ou bien des fois, un, il connaît le hadith, mais lui, il l'a reçu d'une autre chaîne de transmission qui était faible. Alors lui, il n'a pas utilisé comme dalil ce hadith-là, par exemple. Donc il a eu une position différente de l'autre imam. Il ne faut pas oublier qu'aussi à l'époque de ces quatre imams, les recueils de hadith n'étaient pas encore réunis. Hein? Donc Al-Bukhari, Muslim sont venus après. Hein? Donc ils ne pouvaient pas avoir accès à toutes les hadiths de la même manière que ceux qui sont venus après. Tu vois? Et aussi des divergences aussi du fait qu'un imam, il prend un hadith ou un verset, il le comprend d'une façon, et l'autre imam, il le prend le même hadith, mais il le comprend d'une autre façon. Parce que Allah a donné des capacités de compréhension différentes à un imam par rapport à un autre. Allah, il a donné à certains imams, à un imam par exemple, une grande intelligence, et à l'autre, il n'a pas donné le même degré d'intelligence. Donc chacun, ils peuvent parfois diverger à cause de leur niveau de compréhension qui est différent aussi. Et Ibn Taymiyyah, il a écrit un livre justement à propos des divergences entre les imams. Ça s'appelle Raf'ul Malam anil a'immatil a'lam. Et dans ce livre-là, il explique les causes des divergences entre les imams et pourquoi il y a eu ces divergences-là. Donc c'est un livre très très bénéfique. Non, j'ai trouvé finalement Ishaq. Je regardais à la mauvaise page. Ishaq ibn Rahuya huwa al-imam. Ishaq ibn Ibrahim ibn Makhlad al-Marwazi al-Ma'ruf ibn Rahuya. Rahuya huwa laqab abihi. ولقب ولقب بذلك لأنه في طريق مكة والطريق في طريق مكة والطريق بالفارسية را و وي را وي بس كان كي ديز ابن إسحاق ابن راهويا ça c'est les محدثين et les savants de la langue ou les autres qui disent ra rahawi إسحاق ابن راهويا. Tu comprends? Comme Sibawai, Rahawai. C'est des noms qui viennent du perse, de la langue perse. Et il dit ici que le mot chemin en perse, c'est Ra et Way. Donc, Ra, ça veut dire le chemin, puis Way, c'est Ma'nahu Wajada. Donc, il a trouvé le chemin. Faka'annahu Wajida bit Tariq. On l'a trouvé dans le chemin. Donc on l'a appelé Rahouya ou Rahaway. Aïnaam. Donc il s'appelle Rahaway. Son nom c'est Ishaq, fils de Ibrahim, fils de Makhlad al-Marwazi. Et il est connu par le nom de Ibn Rahaway ou Rahouya. Et Rahouya ou Rahaway, c'est le surnom de son père. Et il l'appelait comme ça parce qu'il a été trouvé sur le chemin de Mecca. Ok, c'est ça l'explication. Il dit وَكَانَ أَحَدُ الْأَئِمَّةِ الْحُفَّاظِ. C'est un des grands imams parmi les mémorisateurs. Et il dit وَجَمَعَ بَيْنَ الْحَدِيثِ وَالْفِقْهِ وَالْوَرَى. Donc il avait la science du hadith et la science du fiqh et la piété en même temps. وَقَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ عَنْهُ إِسْحَاقُ عِنْدَنَا إِمَامٌ مِنْ أَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ وَمَا عبر الجسر أفقه من إسحاق. انتهى كلامه. Donc l'imam Ahmad a dit à propos de Ishaq ibn Rahuya, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit pour nous Ishaq c'est un imam parmi les imams des musulmans. Ça c'est qui a dit ça? Imam Ahmad. T'imagines si l'imam Ahmad dit ça à propos de toi, hein? Ça y est, khalas. Donc ça c'est un témoignage, yani une tazkiya. Ça c'est qu'est-ce qu'on appelle le ta'dil, hein? Le jarh, quand on critique ou qu'on va condamner les gens de bid'a ou les gens d'égarement ou les gens qui ont des problèmes, ça c'est la critique, le jarh. Et il y a le ta'dil, hein, c'est quand tu mentionnes que quelqu'un il est correct, il est bon, qu'il a des yani, qu'il est un imam, quelqu'un de qui tu dois prendre. Et ça c'est un exemple de ta'dil. Donc il dit pour nous Ishaq c'est un imam parmi les imams des musulmans. Et il dit personne n'a traversé ce pont qui avait plus de compréhension que Ishaq. Hein, le pont qui mène à Bagdad, probablement. Intaha kalamu. Donc il dit, wa anhu, aydan, la a'rifu li Ishaq fi dunya nadhiran. Subhanallah. Donc l'imam Ahmad a dit, je ne connais pas dans le monde quelqu'un qui est égal à l'imam Ishaq ibn Rahuya. Et pourtant, si tu regardes aujourd'hui, tu demandes à des gens, connaissez-vous l'imam Ishaq ibn Rahuya? Et La plupart des musulmans ne le connaissent pas. Et pourtant, l'imam Ahmed dit ça de lui. Donc c'est pour dire comment parfois on est loin de la connaissance de nos salafs. Naam, il est né, wulida sanata ihda wa sittin wa mi'ah. Donc il est né en 161 et il est mort en 238. Il est mort en 238, rahimahullah. Je sais pas. Mais ça, c'est un des imams qui aurait pu avoir son propre madhab, comme les quatre imams d'Ahl-Sunnah. Sauf que c'est parce que c'est pas tous les imams de qui on a préservé les opinions et les positions. Tu vas trouver les positions de l'imam Ishaq ibn Rahouya dans certains livres de fiqh ou dans certains livres de tafsir. Ils vont dire l'imam Ishaq avait telle position sur telle chose. Mais c'est pas préservé, ses opinions ne sont pas préservées comme celles d'autres imams comme Ahmad et Malik et Abu Hanifa et Shafi'i. C'est pour ça que leur madhab est devenu célèbre, ces quatre autres-là. Hein. Pourquoi? Parce que leur position a été préservée par leurs élèves, puis ça a été propagé dans le monde par la suite. Et parfois aussi pour des raisons politiques, certains dirigeants ont imposé un madhab en particulier dans telle région, puis c'est ça qui est devenu répandu. Mais sinon, il n'y a rien qui oblige à quelqu'un d'être sur un madhab en particulier parmi les madhab. Hein? Depuis qu'il est sur un madhab, dans le sens que depuis qu'il suit le Coran et la Sunna, les preuves hein, et les principes de la Sunna, il n'est pas nécessairement obligé de suivre un madhab. Mais en même temps aussi, ce n'est pas interdit de suivre un madhab, mais à condition qu'il ne soit pas fanatique quand il suit son madhab, au point de vouloir accepter tout qu'est-ce qui est dans le madhab, même si c'est contraire au dalil. Ça, c'est grave. Quand tu dis à quelqu'un, voici la preuve que tu dois faire ça, il dit, ouais, mais dans mon madhab, c'est pas comme ça. Subhanallah, je te donne la parole du messager d'Allah, puis toi, tu me réponds, moi, je suis mon madhab. C'est comme si tu disais, je préfère suivre Shafi'i que le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Donc ça c'est pas l'attitude que le musulman doit adopter et ça les imams eux-mêmes étaient les premiers à le défendre et à le dire. L'imam Shafi'i, combien de fois il a dit, si vous trouvez ma parole qui est en contradiction avec le hadith authentique, prenez ma parole et jetez-la sur le mur. Hein? Je yani, suis là pas. Il a dit, si tu vois que yani, je dis quelque chose puis que c'est en contradiction avec le hadith, prends le pas. Il dit, si le hadith est authentique, c'est ce hadith authentique, c'est ça mon madhab. Je n'ai pas d'autre madhab que ce hadith. Et aussi, il a dit, je pense que parmi les quatre imams, c'est l'imam de qui on a le plus de paroles dans ce sens-là. Il a dit, si tu vois que je te mentionne un hadith, puis que je ne l'applique pas, alors sache que j'ai perdu ma raison. Un de ses élèves, il a entendu citer un hadith. Il lui a dit, est-ce que tu vas l'appliquer ce hadith là? Il m'a dit, est-ce que tu m'as vu sortir d'une église? Hein? Ou est-ce que tu as vu que j'ai une ceinture? Parce que les chrétiens, c'est eux qui mettaient une ceinture autour de leur taille. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. On a dit, est-ce que tu m'as vu faire ça? Non. Donc c'est ça. Donc ça c'est la façon comment les salafs ils faisaient beaucoup d'efforts pour que les gens s'accrochent à la sunna et non pas à leur position à eux. Donc ça c'est les quatre imams. Et Abu Ubaid il fait partie de ces imams là aussi. C'est la même catégorie de savants, le même degré de ilm et de science et de piété. Et il avait beaucoup de connaissances dans le fiqh, dans la langue arabe et dans le tafsir. Aussi de la religion, le tafsir du Coran et de la religion aussi, même des hadiths. Et il dit, il est tellement célèbre que c'est même pas nécessaire de le décrire, tellement il est célèbre. Il dit, et il vivait à une époque dans laquelle les fitan, c'est-à-dire les tribulations et les épreuves et les tentations sont apparues, de même que les passions. Et il a dit, qu'il a rencontré des ulama, et tous les ulama qui l'a rencontré lui. Donc on imagine que c'est des grands ulama qu'il a rencontré, parce que c'est un grand imam. Donc il dit, il n'a pas rencontré un seul parmi les ulama qui interprétait les attributs d'Allah, c'est-à-dire les hadiths qui parlent des attributs d'Allah, qui les interprétaient à la façon des Jahmiyyah. Ok? Donc ça, c'est des témoignages qui montrent que la voie des salafs, c'est pas de nier les attributs et de déformer les attributs de leur sens, mais c'est de les affirmer tels quels. Il dit وروى اللالكائي والبيهقي بإسنادهما عن عبد الله بن المبارك أن رجلا قال له يا أبا عبد الرحمن إني أكره الصفة يا أنا صفة الرب فقال له عبد الله بن المبارك أنا أشد الناس كراهة لذلك ولكن إذا نطق الكتاب بشيء قلنا به وإذا جاءت الآثار بشيء جسرنا عليه ونحو هذا. Donc il dit, par rapport au hadith qu'on a lu précédemment, on a posé la question à Cheikh Ibn Baz à ce sujet-là. في بعض الروايات في بعض الروايات à propos du hadith qu'on a lu, c'était quoi? ضحك ربنا من قنوط عباده وقرب غياره. Il dit, il y a une autre narration où c'est écrit وقرب خياره. وقرب خياره. Il dit فأجاب سماحته الرواية المعروفة غياره. يعني تغييره للأمور. C'est-à-dire comment Allah subhanahu wa ta'ala fait changer les choses. C'est-à-dire comment Allah subhanahu wa ta'ala fait changer les choses. Donc il rit de son serviteur qui l'implore alors que les choses vont changer bientôt. Yani ça va changer bientôt. Allah va les faire changer bientôt. Et c'est proche. Il dit walakin al-riwaya ghayarihi. يعني تغييره للأمور من شدة إلى رخاء. C'est-à-dire, il va les changer, il va changer les choses d'une difficulté vers une situation qui est une situation d'aisance. Hein? Donc le serviteur, il implore Allah, hein, il demande à Allah la délivrance et de le sauver de la difficulté, et Allah sait que le changement est proche. Le changement est proche. C'est-à-dire que la difficulté va devenir une facilité, une aisance. وَمِنْ رَخَاءٍ إِلَى شِدَّةٍ. Et ça peut être le contraire parfois. وَمِنْ صِحَّةٍ إِلَى مَرَضٍ. Et de la santé vers la maladie. Ou de la maladie vers la santé. Donc c'est ça que ça veut dire, الْغِيَارِهِ. Le changement d'état ou de situation. Ok. Puis il dit à propos de la, bon, on revient à l'athar qu'on vient de lire. وأراد ابن المبارك أن نكره أن نبتدئ بوصف الله من ذات أنفسنا حتى يجيء به الكتاب والسنة. نعم. Donc il dit que ça a été rapporté par l'imam al-Lalakai et al-Bayhaqi avec la chaîne de transmission que les deux ont ramené, selon Abdullah ibn al-Mubarak. Abdullah ibn al-Mubarak, c'est un des imams parmi les imams de Ahlus Sunnah également. Un grand savant parmi les savants, qu'on appelait même Amir al-Mu'minin fil hadith. Amir al-Mu'minin fil hadith, tellement il était grand parmi les grands savants. Pour donner un exemple de son époque, 252 aussi, c'est un des contemporains de l'imam Malik. Hein? C'est un des contemporains de l'imam Malik. L'imam Al-Hafiz, il est né en 118 et il est mort en 181. Ça, c'est l'imam Abdullah ibn al-Mubarak. On dit de lui qu'une année il faisait le Hajj et l'autre, l'année suivante, il faisait le Jihad. Et quand il faisait le Hajj, il amenait plein de gens avec lui, et c'est lui qui payait pour eux toutes leurs dépenses pendant le Hajj. Hein? Donc il s'occupait d'eux. Il était un riche commerçant et un grand savant de hadith aussi. Abdullah ibn al-Mubarak, na'am. Il est né en 118, il est mort en 181. Rahimahullah. Donc qu'est-ce qu'il dit? Donc c'est on dit de l'imam Abdullah ibn al-Mubarak, quand il venait, il s'assoyait dans le dars de l'imam Malik. Et l'imam Malik avait beaucoup de respect pour lui. Je ne sais pas si je me souviens bien, c'est que des fois, il allongeait son pied, l'imam Malik, et quand l'imam Abdullah ibn Mubarak venait, il les allongeait pas, par respect pour l'imam Abdullah ibn Mubarak. Si je me souviens bien de cette histoire-là, c'est ça. Donc il dit ici. C'est ça. Il y a un homme qui a dit à l'imam Abdullah ibn al-Mubarak, « Oh Abba Abdurrahman, parce que sa kunya c'est Abu Abdurrahman. » Il dit, « Je déteste, je n'aime pas parler des attributs d'Allah ou parler de l'attribut d'Allah de moi-même. » C'est ça que ça veut dire. Comme si je vais parler de l'attribut d'Allah et de l'expliquer ou d'en parler de moi-même, de mon propre interprétation. Alors, Abdullah ibn al-Mubarak a dit, et moi je suis parmi les gens qui ont la plus grande haine de ça aussi, mais si le livre a parlé de quelque chose, alors on le dit, hein? Si le livre a mentionné quelque chose, on le dit, et si les narrations, les hadiths ont mentionné quelque chose, eh bien on passe par les narrations qui ont été mentionnées à ce sujet là et ainsi de suite. Donc qu'est-ce qu'il dit? Ibn Taymiyyah, il dit que Abdullah ibn al-Mubarak, qu'est-ce qu'il a voulu dire ici? Il a voulu dire, nous détestons commencer par nous-mêmes la description d'Allah. Yani, il dit min dhati anfusina, c'est-à-dire on parle de nous-mêmes à propos des attributs d'Allah. Et donc on n'aime pas parler de nous-mêmes à propos des attributs d'Allah jusqu'à ce qu'il y ait un texte du Coran et de la Sunna qui nous clarifie sa signification. Dans ce cas-là, sinon on ne parle pas. Qu'est-ce qu'il dit Cheikh Ibn Baz à ce sujet-là? Il dit قال سماحة الشيخ وهذا هو الحق فإن الصفات توقيفية أسماء الرب وصفاته أسماء الرب وصفاته توقيفية توقيفية يعني نتوقف فيها على الدليل على الدليل من الكتاب والسنة ليس لأحد أن يقترح أو يخترع شيئا لم تأتي به النصوص من صفات الله ولكن يسمى بما سمى به نفسه أو سماه به رسوله عليه الصلاة والسلام ويوصف بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم وليس للإنسان أن يخترع شيئا من كيسه أو من كيسه بل يقف حيث وقف النصوص يقف حيث وقفت النصوص ويمرها كما جاءت من غير تأويل ولا تكييف ولا تمثيل ولا تشبيه لله بخلقه بل يمرها كما جاءت مع الإيمان القاطع أنه سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير مع الإيمان بأنه الكامل في ذاته وأسمائه وصفاته جل وعلا وأنه لا أكمل منه سبحانه وتعالى في كل شيء. Donc il dit Cheikh Ibn Baz, ça c'est la vérité. Qu'est-ce que l'imam Ibn al-Mubarak, il dit, c'est la vérité. Parce que les attributs d'Allah sont tawqifiyah. Ça veut dire que dans les des questions qui ont rapport avec la foi et le ghaib, les attributs d'Allah, ça c'est tawqifi. Tu t'arrêtes là où les textes s'arrêtent. Hein? S'il y a un texte, tu mentionnes qu'est-ce qui est écrit dans le texte. S'il n'y a pas de texte, tu t'arrêtes. Tu ne parles pas. Donc les attributs d'Allah, c'est comme ça, c'est tawqifi. Et les noms d'Allah, c'est la même chose. Et les attributs d'Allah, c'est la même chose. Et personne n'a le droit de supposer ou d'inventer quoi que ce soit qui n'a pas été mentionné dans les textes du Coran et de la Sunna à propos des attributs d'Allah. Mais il mentionne, ou bien il nomme Allah tel que Allah s'est nommé lui-même. Hein? Ou tel que son messager l'a nommé, sallallahu alayhi wa sallam. Et il le décrit par les attributs que Allah s'est décrit lui-même. Ou que son messager, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, l'a décrit. Mais quelqu'un n'a pas à inventer quoi que ce soit de sa propre compréhension ou de sa propre intelligence pour décrire Allah. Il se limite et il s'arrête là où les textes se sont arrêtés et il les prend tels qu'ils sont. Il les prend tels qu'ils sont venus sans faire de ta'wil, c'est-à-dire sans essayer de déformer l'interprétation des sens de ces attributs-là. Ou la ta'kif, c'est-à-dire tu ne vas pas chercher à savoir le comment de ces attributs-là ou essayer de les imaginer. Ou la tamthil, tu ne vas pas faire de comparaison, hein, entre la création et le créateur. Ou la tashbih, et tu ne vas pas non plus faire de tashbih, tu ne vas pas faire ressembler Allah à sa création ou faire ressembler la création à Allah, non. C'est-à-dire que tu ne vas pas donner à la création des attributs d'Allah et tu ne vas pas donner des attributs d'Allah à la création. Hein? Et souvent, tu vois les ahbash, par exemple, ils vont dire à propos des gens qui suivent la sunna et qui s'accrochent à la voix des salafs, vous êtes des mushabbiha. Hein? Ils disent toujours ça. Ils disent, ah, vous les salafis, vous êtes des mushabbiha. Et tu leur demandes, c'est quoi le tashbih? Tu leur demandes, c'est quoi le tashbih? Et ils vont te dire, yani, qu'est-ce qu'ils pensent que c'est? Alors, quand tu regardes leur définition, parce que tu leur dis, est-ce que si je dis ce que Allah a dit dans le Coran, est-ce que ça fait de moi un mushabbih? Si je dis que Allah a une main, et Allah a dit dans le Coran qu'il a une main, est-ce que tu vas me dire que je suis un mushabbih? Si le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit que Allah a une main, est-ce que tu vas dire du prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il est mushabbih? Hein? Parce que si tu dis que je suis mushabbih parce que j'affirme ce que Allah a dit, et ce que le messager sallallahu alayhi wa sallam a dit, c'est comme si tu es en train d'accuser le prophète sallallahu alayhi wa sallam d'être un mushabbih. Maintenant, at-tashbih, c'est kufr, c'est shirk. De faire ressembler Allah à sa création, c'est du shirk. Et de dire que Allah ressemble à sa création ou que la création ressemble à Allah, c'est du shirk. Hein? Celui qui dit ça, il n'est pas croyant. Donc, la réalité de ces gens-là, c'est qu'ils ne savent pas du tout qu'est-ce que ça signifie le tashbih. Le tashbih, comme l'imam Ahmad il a expliqué, il a dit, tashbih ça veut dire quelqu'un qui dit la main d'Allah est comme la main des hommes, ou comme la main des animaux, ou comme la main d'une créature. Ça c'est tashbih. Ça c'est shirk, c'est kufr. On n'a pas le droit de dire ça. Hein? Mais si tu dis, Allah subhanahu wa ta'ala, il a une main, telle qu'il l'a dit dans ses textes, et que elle convient à sa grandeur et à sa majesté et elle ne ressemble pas à la main des êtres humains ou à la main des créatures, ça tu ne peux pas dire que c'est du tashbih. Hein? Pourquoi? Parce que tu n'as pas fait aucune ressemblance entre le créateur et la créature et tu as décrit Allah tel qu'il s'est décrit lui-même. Hein? Donc Allah subhanahu wa ta'ala, tu vas dire que Allah il fait du tashbih, que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam fait du tashbih. Hein? Non, ça c'est celui qui dit ça, c'est un égaré. Hein? Donc en même temps aussi, tu vois, regarde par exemple les Ahbash, ils se disent suivent l'imam Abu al-Hassan al-Ash'ari et ils se prétendent être des Asha'ira. Les Asha'ira se font traiter de tashbih par les Mu'tazila parce qu'ils affirment sept attributs. Ils affirment sept attributs. Tandis que les Mu'tazila, eux, affirment aucun attribut. Vous comprenez? Les Mu'tazila, ils affirment aucun attribut. Les Asha'ira, eux, en affirment sept. Nous, on affirme toutes les attributs, sans exception. On ne fait pas de distinction. Eux, ils disent, nous, les Asha'ira disent, nous, on affirme seulement les attributs qui sont confirmés par la raison. Les autres, on ne les affirme pas. Donc, ils affirment sept attributs, les autres, ils les nient. Les Mu'tazila, eux, ils affirment aucune attribut. Parce qu'ils disent, si on affirme les attributs, ça fait ressembler Allah à sa création. Donc, vous, les Asha'ira, vous êtes des Mushabbiha. Pour les Mu'tazila, les Asha'ira sont des Mushabbiha aussi. Maintenant, les Jahmiya, eux, ils nient les noms et les attributs. Pas seulement les attributs, les noms aussi. Donc, ils disent aux Mu'tazila, vous les Mu'tazila, vous êtes des Mushabbiha. Parce que vous affirmez les noms d'Allah. Et si vous affirmez les noms, ça implique que vous affirmiez les attributs aussi. Parce que dans les noms, il y a le sens. Et le sens des noms, c'est des attributs. Comme par exemple, si tu dis que Allah, il est Al-Alim. Ça, c'est un des noms d'Allah. Al-Alim, ça veut dire l'omniscient, celui qui sait tout. Et ça implique que Allah a Al-Ilm, qu'il a la science. Et la science, c'est une attribut. Donc, les Jahmiyyah disent aux Mu'tazila, vous êtes des Mushabbiha. Hein? Al-Basir, c'est celui qui voit tout. Et donc, ça implique l'attribut de Al-Basar, que Allah a l'attribut de la vue. As-Sam', Allah, il est As-Sami', il entend tout. Et donc, ça implique qu'il a l'attribut de As-Sam', qui est hein, l'ouïe. Et donc, toutes ces attributs, tous ces noms-là, les Mu'tazila les affirment sans affirmer leur signification. Ils pensent que c'est des noms qui n'ont aucun sens. Ils n'affirment pas le sens. Ils disent « Basirun bila basar »« Sami'un bila sam' »« Alimun bila ilm » Ça fait aucun sens. Il est celui qui voit tout, mais il n'a pas de vue. Il entend tout, mais il n'a pas de ouïe. Il sait tout, mais il n'a pas de science. Yani, ça, c'est la philosophie des Mu'tazila, l'égarement. Yani. Donc, les Jahmiyyah disent à propos des Mu'tazila, vous êtes des Mushabbiha, parce que vous faites ressembler à Allah, sa création. Donc, cet exemple-là, c'est juste pour vous faire comprendre. Ça, c'est Cheikh Mohamed Aman qui mentionnait ça. Il dit, eux, ils nous traitent de Mushabbiha, alors qu'eux-mêmes se font traiter de Mushabbiha, parce qu'ils affirment des attributs aussi. Hein? Et ils se traitent tous les uns des autres Mushabbiha, mais s'ils avaient connu la réelle signification du tashbih, ils n'auraient pas utilisé ce terme-là à tort et à travers. Le tashbih, ça veut dire tu affirmes les attributs d'Allah, mais tu fais ressembler Allah à sa création. Comme celui qui dit la main d'Allah est comme la main des hommes. Celui qui dit ça, il est mushrik, kafir. Mais celui qui dit j'affirme que Allah a une main et sa main ne ressemble pas à celle de ses créatures, pourquoi? Parce que Allah dit laysa kamithlihi shay'un. Laysa kamithlihi shay'un. Il y a rien qui lui ressemble. Et donc ça c'est l'obligation de chaque musulman d'affirmer les attributs d'Allah et wa alaykoum salam et de croire en Allah de cette façon-là. Et cette façon-là de croire en Allah tel qu'il s'est décrit lui-même et d'affirmer ce que Allah a affirmé. Et ce que le messager sallallahu alayhi wa sallam a affirmé à propos d'Allah, et de nier ce que Allah a nié, et ce que le messager sallallahu alayhi wa sallam a nié à propos d'Allah comme imperfection, ça c'est la voie d'Ahl Sunnati wal Jama'a. Maintenant, ça c'est qu'est-ce que le Cheikh Ibn Baz est en train d'expliquer ici, et il dit Bal yamirruha kama ja'at. C'est-à-dire, tu laisses les attributs d'Allah tels qu'ils sont. Tu n'essaies pas de changer leur sens ou de les interpréter d'une autre façon. Comme le font les Mu'tazila ou les Jahmiya ou bien les Asha'ira, ils disent la main, ça ne veut pas dire la main, ça veut dire la grâce, la force, hein, ou ainsi de suite. Ça, c'est contraire à la voie des salafs. Il dit, tu dois croire de façon certaine que rien ne ressemble à Allah et qu'il est l'audient et le voyant. Tout en sachant qu'il est celui qui est parfait. Allah subhanahu wa ta'ala, il est parfait, il est le parfait dans sa personne, dans ses noms, dans ses attributs. Il est parfait dans ses noms, il est parfait dans ses attributs, et il est parfait dans sa personne, dans son être. Wa annahu la akmala minhu. Il n'y a rien qui est plus parfait que lui, dans toute chose. D'accord? Donc ça c'est qu'est-ce qui est dit ici par rapport à cette parole de l'imam Ibn al-Mubarak. On va lire une dernière parole, puis on va s'arrêter après. Ici, il dit ensuite « Rawa Abdullah ibn Ahmad wa ghayruhu bi asanida sahih bi asanida sihah an Ibn al-Mubarak annahu qila lahu bimadha na'rifu Rabbana » قال بأنه فوق سماواته على عرشه بائن من خلقه لا نقول كما تقول الجهمية أنه ها هنا في الأرض وهكذا قال الإمام أحمد وغيره. أي نعم. وروى بإسناد صحيح عن سليمان بن حرب الإمام سمعت حماد بن زيد وذكر هؤلاء الجهمية فقال إنما يحاولون أن يقولوا ليس في السماء شيء. Et non, puis je vais lire l'autre encore. C'est tout relié ces trois-là. Donc, il dit: وروى ابن حاتم في كتاب الرد على الجهمية عن سعيد بن عامر الضبعي إمام أهل البصرة علما ودينا من شيوخ الإمام أحمد أنه ذكر عنده الجهمية فقال هم شر قولا من اليهود والنصارى وقد اجتمع اليهود والنصارى وأهل الأديان مع المسلمين على أن الله على العرش وقالوا هم ليس عليه شيء. Donc tout ça c'est des paroles des salafs qui réfutent les jahmiyyah qui niaient que Allah subhanahu wa ta'ala est au-dessus de son trône ou bien qui niaient les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le fait de nier que Allah est au-dessus de son trône ou de nier les attributs d'Allah, ça équivaut à nier son existence. À nier son existence. Donc ces gens-là, en réalité, c'est comme des athées en fait. Hein? Puisque si tu nies un des noms d'Allah ou une des attributs d'Allah, que Allah s'est attribué à lui-même, c'est comme si tu niais, yani tu le niais lui aussi, yani en entier. Hein? Tu ne peux pas dire par exemple, moi je crois que Allah il est Al-Sami, Al-Alim, Al-Basir, Al-Aziz, Al-Hakim, mais je ne crois pas qu'il est par exemple Al-Qadir. Hein? Tu ne peux pas. Hein? Tu ne peux pas dire je crois en tout ce qu'Allah dit, mais sauf je ne crois pas en cet attribut ou en cet attribut ou en cet attribut. Ça c'est de Al-Ilhad, comme les ulama ils disent. Donc il mentionne ici, il a été rapporté par Abdullah ibn Ahmad et d'autres avec des chaînes de transmission authentiques selon Ibn al-Mubarak. Abdullah ibn al-Mubarak, il a dit, on lui a dit, comment connais-tu ton Seigneur? Hein? Ou comment connaissons-nous notre Seigneur? Il a dit, on le connaît parce qu'il est au-dessus des cieux, sur son trône, séparé de sa création. Et nous ne disons pas ce que disent les Jahmiyyah, qu'il est ici sur terre avec nous. Hein? Parce que les Jahmiyyah, comme on l'a déjà expliqué, il y a deux clans chez les Jahmiyyah. Ceux qui disent que Allah est dans toutes choses et partout. Hein, ceux qui croient par exemple en Wahdatul Wujud comme les Soufis, ils disent que tout est Allah, que Allah est tout et qu'il n'y a pas de distinction entre le créateur et la créature, tout est Allah. Hein? Donc ceux-là c'est des malahida, hein? c'est des koufars ceux qui disent ça. Et il y a l'autre extrême, ceux qui disent il n'existe pas, il n'est nulle part. Ils disent il est nulle part. Il y en a qui disent il est partout. Il y en a qui disent qu'il est nulle part. Hein? Comme les Ahbash, par exemple, tu leur dis, où est Allah? Ils disent, Astaghfirullah, tu ne peux pas poser cette question. Allah existe sans endroit et sans lieu. Hein? Et dans le livre, par exemple, le Cheikh Mohamed Aman, il disait, si tu lis dans, par exemple, dans le livre qui s'appelle Hashiyat al-Sanusiyya, c'est un résumé de la Aqidah des Asha'ira, il dit, et Allah subhanahu wa ta'ala dit il n'est pas en haut, il n'est pas en bas, il n'est pas à gauche, il n'est pas à droite, il n'est pas en avant, il n'est pas en arrière, il n'est pas à l'intérieur du monde, il n'est pas à l'extérieur du monde. Hein, tu dis dans ce cas-là il est où? Hein? Il n'existe pas. Les ulama d'Ahl al-Sunnah ont dit si tu veux décrire le néant, il n'y a pas une meilleure description que celle-là. Hein? Donc il dit vous avez fui de faire ressembler Allah à sa création au point de le faire ressembler au néant. Hein? Donc, pourquoi vous ne vous êtes pas juste limité à croire en ce que Allah a dit à propos de sa personne dans le Coran et à l'accepter tel quel et à vous soumettre et à croire comme il l'a dit qu'il n'y a rien qui ressemble à sa création, il n'y a rien qui lui ressemble dans sa création. Et ça, c'est une voie qui est claire et simple et facile. Donc, il a dit cette parole. Ensuite, il y a une autre parole qu'il dit, Rawa, il a rapporté avec une chaîne de transmission selon Sulayman ibn Harb, l'imam Sulaiman ibn Harb. Sulaiman ibn Harb, c'est qui? Sulaiman ibn Harb ibn Bajil, ou Bajil, Abu Ayyub al-Azdi, Ouliya Qada Mecca. وقال عنه أبو حاتم سليمان بن حرب إمام من الأئمة ولد سنة 400 il est né en 140 وتوفي سنة 24 و200 بالبصرة il est mort en l'an 224 à Basra. Donc c'est Sulaiman ibn Harb. Qu'est-ce qu'il a dit? Il dit j'ai entendu Hammad ibn Zayd. C'est qui Hammad ibn Zayd? Vous connaissez Hammad ibn Zayd? Hey, Hamad ibn Zayd, c'est un grand imam parmi les imams de Ahl al-Sunnah. Hey, nam, Hamad ibn Zayd, wa huwa Hamad ibn Zayd ibn Dirham, Abu Ismail al-Azdi, ahad al-a'imma fi zamanihi, min aqran al-imam Malik. Min aqran al-imam Malik. C'est-à-dire, c'est un des compagnons de l'imam Malik. Même génération que l'imam Malik. Hein? Sa kunya, c'est Abu Ismail al-Azdi. قال عبد الرحمن بن مهدي أئمة الناس في زمانهم أربعة وعد منهم حماد بن زيد وقال لم أرى أحدا أعلم بالسنة ولا بالحديث الذي يدخل في السنة من حماد بن زيد. Donc عبد الرحمن بن مهدي, un des imams des salafs, il dit les imams des gens sont quatre à leur époque, à cette époque-là ils étaient quatre, et il a calculé parmi eux حماد بن زيد. Il a dit, je n'ai jamais vu quelqu'un plus savant de la sunna, ni du hadith, que Hamad ibn Zayd. وقال الذهبي, لا أعلم بين العلماء نزاعا في أن حماد بن زيد من أئمة السلف. انتهى كلامه. Il dit, je ne connais aucune divergence entre les savants que Hamad ibn Zayd est un imam parmi les imams des salaf. Hein? Il est né, hein, ولد سنة 98. وتوفي سنة 79 و100 سبحان الله. Il est né en 98 et il est mort en 179 de la Hijra رحمه الله. Et il y a un autre Hamad aussi, pourquoi pas en parler un peu aussi, Hamad ibn Salama. Hamad ibn Zayd, c'est un des grands imams, et Hamad ibn Salama. Souvent quand on parle, on dit Al-Hammadan, les deux Hamad. C'est ces deux-là, Hamad ibn Zayd et Hamad ibn Salama. Et Hamad ibn Salama, huwa Hamad ibn Salama ibn Dinar Abu Salma al-Basri, al-Imam al-Thabt, min aqran Hamad ibn Zayd. Wa qala anhu al-Dhahabi kana bahran min buhur al-ilm wa kana ra'san fi al-Sunnah. Donc l'imam al-Dhahabi a dit à son sujet, c'était un océan parmi les océans de science, une tête dans la Sunnah. Wa kana ممن عمر وقته بالعبادة والذكر. C'est quelqu'un qui remplissait toujours son temps dans l'adoration et le rappel d'Allah. حتى قال عبد الرحمن بن مهدي لو قيل لحماد بن سلمة إنك تموت غدا وما قدر أن يزيد في العمل شيئا. Il dit, Abd al-Rahman ibn Mahdi, il a dit, si on avait dit à Hamad ibn Salama, demain tu vas mourir, il n'aurait pas été capable de rajouter à son adoration, tellement il faisait beaucoup, déjà. Subhanallah. Il est mort en l'an 167 de la Hijra. Et donc on dit à propos de cela, les deux Hamad, Hamadan, Hamad ibn Zayd et Hamad ibn Salama. Et il y a aussi les deux Soufyan, Soufyan, on dit à Soufyanan. Donc c'est ça, là, c'est de ces gens-là dont on parle ici. Donc, Sulaiman ibn Harb, il dit, j'ai entendu Hamad ibn Zayd qui a mentionné les Jahmiya. Et il a dit, ces gens-là essaient de dire, il n'y a rien dans le ciel. C'est-à-dire, pour eux, Allah subhanahu wa ta'ala n'existe pas, en réalité. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, notre aqidah, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala, il est au-dessus de sa création. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, أَأَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ أَنْ يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضِ فَإِذَا هِيَ تَمُورِ أَمْ أَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ أَنْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, on dit de lui qu'il est au-dessus, qu'il est fis sama. Et as-sama, en arabe, les ulama disent que ça a deux significations. As-sama bi ma'na al-ulu, يعني بمعنى كل ما على، والسماء بمعنى يعني اي نعم بمعنى السماء المعروف يعني le ciel tel qu'il est connu. Et ils disent si c'est dans la première signification quand on dit par exemple as-sama bima'na al-ulu, des fois quand on dit par exemple Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran wa nazzalna min as-sama'i ma'an, on a fait descendre du ciel de l'eau. On sait que l'eau ne descend pas du ciel, mais elle descend des nuages. Mais en arabe, tout ce qui est au-dessus, on l'appelle sama. Parfois, par exemple, quand il y a de la pluie qui tombe, on dit asabaha sama. Hein? C'est-à-dire la chose qui a été mouillée par la pluie, on dit elle a été touchée par le ciel, en voulant dire par la pluie qui vient d'en haut. Et ils disent, les ulama, si on le dit dans le sens de fis sama, fi al-fi huna bima'na ala sama. C'est-à-dire que Allah subhanahu wa ta'ala est au-dessus de sa création, au-dessus des cieux, comme c'est souvent utilisé dans la langue arabe. L'article ou la préposition fi est utilisée dans le sens de ala. Puis il y a beaucoup d'exemples de ça dans d'autres contextes. Mais là, c'est juste pour dire, eux, les Jahmiya, ils disent laisse fi sama et shay. Yani أن من أنكر كونه تعالى في العلو أو من ادعى أنه لا داخل العلم ولا خارجه ومن زعم أنه مثل الهوى فكل هؤلاء إنما يحاولون إنكار وجوده. C'est-à-dire ceux qui nient que Allah subhanahu wa ta'ala est au-dessus de sa création et qui prétendent qu'il n'est pas à l'intérieur du monde ni à l'extérieur du monde. Et donc ces gens-là, c'est comme si ils pensent qu'il est comme le vent, hein? Il est partout, comme l'air ou comme le vent, ou bien qu'il est dans toutes choses. Et ça, c'est bien entendu, c'est du kufr. Et il dit ceux-là, ils essaient de nier en réalité l'existence distincte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et comme je vous avais mentionné l'exemple de l'imam Ahmad ibn Hanbal dans son livre Ar-Raddu ala al-Jahmiyya, quand il a dit à la fin, demandez à ces Jahmiyya, quand Allah subhanahu wa ta'ala a créé le monde, est-ce qu'il a créé à l'intérieur de lui-même ou il a créé à l'extérieur de lui-même? Parce que eux, ils disent Allah existe sans endroit. Et le frère Abdullah, la dernière fois, il m'a mentionné cette shubha que eux ils lui ont dit. Parce que quand tu leur dis Ar-Rahman ou ala al-Arsh istawa, thumma istawa ala al-Arsh, Allah s'est élevé au-dessus de son trône. Ça, c'est clair dans la langue arabe. Eux, ils disent, non, mais Allah existe, mais il existe sans endroit. Parce que c'est Allah qui a créé l'endroit. Donc, il ne peut pas être dans un endroit. C'est de la philosophie. Alors, l'imam Ahmed leur a dit, parce qu'on n'a pas à parler d'endroit ou d'espace ou de choses de ce genre-là, puisque Allah n'a pas nié d'être, il n'a pas affirmé d'être dans un endroit. Tu ne trouves pas dans le Coran où c'est écrit Allah est dans un endroit. Et tu ne trouves pas dans le Coran où il a dit il est dans un endroit. Il n'y a pas l'affirmation et il n'y a pas la négation. Donc les ulama ont dit ça fait partie des expressions qui sont, comme ils disent, al-alfaz al-mujmala. Ça fait partie des expressions qui sont ambiguës, qui peuvent avoir un sens vrai ou un sens faux, et qu'on ne sait pas vraiment qu'est-ce que ça veut dire tant que la personne qui le dit l'explique. Donc ils ont dit dans ce sens, dans ce cas-là, on doit rejeter cette expression-là par rapport à Allah. C'est-à-dire on ne l'utilise pas pour décrire Allah, ni en affirmation, ni en négation. On s'arrête aux textes qui sont mentionnés et aux attributs qui sont mentionnés dans les textes. Puis ils ont dit par la suite, Allah subhanahu wa ta'ala, on l'affirme tel qu'il est dans les textes. Il a dit qu'il est au-dessus de son trône. Il a dit qu'il est au-dessus de sa création. Il a dit également qu'au jour de la résurrection, il va prendre les cieux et la terre et il va en faire une poignée dans sa main droite. Hein? Et il dit dans le verset dans Surat Az-Zumar, وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبَّتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ. Donc il va tout fermer les cieux dans sa main droite. Subhanahu wa ta'ala amma yushrikun. Et tout ça, c'est pour dire que Allah subhanahu wa ta'ala, il enveloppe sa création. Hein? Et il est au-dessus de sa création. Maintenant, l'imam Ahmed leur a posé la question. Quand Allah a créé la création, Allah existait, il n'y avait rien. Il n'y avait pas une création. C'était, hein, il n'y avait rien. Puis il a décidé de créer la création. Quand il l'a créée, est-ce qu'il l'a créée en lui-même ou à l'extérieur de lui-même? T'as deux choix. Il n'y a pas un troisième. Alors, si il a dit, si vous dites qu'il l'a créé en lui-même, vous avez fait le kufr. Vous avez dit une parole de kufr. Pourquoi? Parce que vous avez dit que en Allah il y a quelque chose qui est créé, alors que Allah n'est pas créé. Hein? Et si vous dites qu'il a créé à l'extérieur de lui-même, là vous avez affirmé la vraie chose, puisque Allah subhanahu wa ta'ala, il est le créateur, hein, et il est séparé de sa création et il enveloppe sa création. Hein? Et il est au-dessus de toute chose. Donc ça, c'est la aqida d'Ahl al-Sunnah wal-Jama'a. Tu voulais dire quelque chose, là, Hassan? Hein? Ah, et c'est ça. Ouais. C'est ça. Ben, al-Ma'iyya, les ulama, ils ont parlé de ça. Et l'imam Malik, il a expliqué ça en disant huwa ma'akum bi'ilmihi, il est avec vous par sa science. Et également les ulama ont dit kawn al-shay ma'a shay akhar la yaqtadi al-ikhtilat aw al, hein, c'est-à-dire que tu peux être avec quelque chose sans être mélangé à celle-ci. Comme si tu dis par exemple, je te dis par exemple, ok, va au match, je suis avec toi. Hein? Tu dis par exemple, quelqu'un te dit, ah, j'ai un match contre telle équipe, dis, vas-y, je suis avec toi. Le fait que tu dis à quelqu'un, je suis avec toi, ça ne veut pas dire que tu es physiquement mélangé à la personne. Hein? Et il y a plein d'autres exemples comme ça que. En fait, les ulama, ils ont dit, il y a deux formes de ma'iyya. Al-ma'iyya al-mutlaqa. Al-ma'iyatul mutlaqa, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala, il est avec sa création de façon générale par sa science, par sa vue, par son ouïe. Il les entend, il les voit, il sait à tout instant qu'est-ce qui leur arrive. Même la plus petite créature, la fourmi, dans le fond de la terre, dans le noir, et il la voit, il l'entend et il sait qu'est-ce qu'elle a de besoin. Hein? Donc ça, c'est al-ma'iyya al-amma. Et al-ma'iyatul khassa, c'est-à-dire al-ma'iyya ma'a ibadihi as-salihin ma'a as-sabirin wa kadha yani wa ghayri dhalik. Donc ça, c'est une ma'iyya qui est particulière, hein? Et ça, Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah et d'autres ulama, ils en ont parlé en détail dans d'autres contextes. Il y a cette parole là donc pour dire, eux ils disent qu'il n'y a rien dans le ciel, en voulant dire qu'ils ne croient pas à Allah, les Jahmiyyah. Et la dernière parole, c'est la parole de Ibn Abi Hatim dans son livre Ar-Radd ala al-Jahmiyya, selon Saïd ibn Amir al-Dib'i. Saïd ibn Amir al-Dib'i, on va voir c'est qui ici. C'est قال زياد ابن أيوب ما رأيت بالبصرة مثل سعيد الدبعي قال الإمام أحمد ما رأيت أفضل منه. Yani, l'imam Ahmad a dit, j'ai jamais vu meilleur que lui. Et l'imam Ziyad ibn Ayyub, il a dit, j'ai jamais vu dans la ville de Basra quelqu'un meilleur que Saïd al-Dab'i. Il est mort en l'an 208. Il est mort en l'an 208. Il est né en. Tufiya sanata thamanin wa miyatayn. Wa lahu sittun wa thamanuna sana. Il est mort en l'an 208, il avait 86 ans quand il est mort. Non, donc, Ad-Dib'i, Saïd ibn Amir Ad-Dib'i, tu veux faire le adhan? Ouais. Non, on va faire le adhan en premier, parce qu'on n'a pas encore fait. Mais c'est juste cette parole-là, après ça on arrête, je vous promets, Inch'Allah. Donc il dit روى ابن أبي حاتم في كتاب الرد على الجهمية عن سعيد بن عامر الدبعي إمام أهل البصرة علما ودينا. Donc c'était l'imam de la ville de Basra dans la science, dans la religion, et il fait partie des shuyukh de l'imam Ahmad, Ahmad ibn Hanbal, hein? Donc c'est un grand savant. Il a mentionné les Jahmiya. Il a dit ils sont pires dans leurs paroles que les juifs et les chrétiens. Et il dit les juifs et les chrétiens et les gens des autres religions se sont réunis avec les musulmans pour dire que Allah est sur son trône. C'est-à-dire, si tu regardes dans toutes les religions, ils ont tous cette notion, même les juifs, dans la Bible c'est écrit, et les chrétiens aussi, que Allah est sur son trône. Ça, c'est quelque chose qui est accepté et connu dans toutes les religions. Et c'est une chose dans laquelle ils se réunissent avec les musulmans là-dessus, puisque dans le Coran c'est écrit ça aussi. Et dans la sunna, il dit que Allah subhanahu wa ta'ala est sur son trône. Ils disent tous que Allah est sur son trône, tandis que eux, c'est-à-dire les Jahmiya, ils disent laysa alayhi shay, c'est-à-dire laysa ala al-arsh shay. Ils nient que Allah soit sur son trône. يعني أن الجهمية لما أنكروا علو الله صاروا بذلك شرا من اليهود والنصارى وأهل الأديان لأن اليهود والنصارى وأهل الأديان أقروا بأن الله موجود وأنه فوق العرش أما هؤلاء فأنكروا وجود الله لأنه لما أنكروا علوه وقالوا إنه في كل مكان أو قالوا هو لا داخل العالم ولا خارجه فقد أنكروا وجوده تعالى فتدور أقوالهم كما قال عبد الله بن المبارك على أن يقول ليس على العرش إله فاليهود والنصارى وأهل الأديان أحسن حالا منهم في هذه الجهة من جهة إثبات الرب وأنه في العلو. Donc ils disent que les Jahmiya, ils ont nié que Allah soit au-dessus de sa création. Ils sont devenus donc pires que les juifs et les chrétiens et les gens des autres religions, parce que les juifs et les chrétiens et les gens des autres religions ont affirmé que Allah existe et qu'il est au-dessus de son trône, tandis que ceux-là ont nié l'existence d'Allah parce qu'ils ont nié qu'il est au-dessus de sa création, et ils ont dit qu'il est partout, ou bien qu'ils ont dit qu'il est ni dans le monde ni à l'extérieur du monde. Alors en disant ça, ils ont nié son existence, et donc leurs paroles, comme Abdullah ibn al-Mubarak, et leur parole, c'est comme s'ils avaient dit il n'y a pas de divinité sur le trône. Et donc les juifs et les chrétiens et les gens qui ont les autres religions sont meilleurs et ont un meilleur état qu'eux. Donc ayant dit ça, on va s'arrêter ici pour aujourd'hui, inshallah. Subhanakallah wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayh. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.